reste de cette histoire. L'âme désolée, je mets les fantômes au placard. Tu étais longue à la détente, j'ai compris un jour de pluie que je préférais la pétanque, même à ta simple compagnie. L'âme désolée, je me déleste de cette histoire. L'âme désolée, je mets les fantômes au placard. Au lit tu n'es, t'es pas super, je vais te dire, ça fait du bien d'avoir tué tes missionnaires, de reprendre les choses en main. L'âme désolée, je me déleste de cette histoire. L'âme désolée, je mets les fantômes au placard. Je ne verse plus aucune larme pour cette vieille histoire à la con. Derrière chaque flux lacrymal se cache sûrement Un oignon. Tout à fait, reprenons. L'âme désolée, mais les fantômes s'agitent et gueulent. L'âme désolée, je crois qu'ils se sentent un peu seuls. Moi j'ai beau faire le fanfaron et chanter comme un canari, au vu de ma situation, je crois que j'ai fait une connerie.